À partir de là, tu dois rien à personne. Vous savez que nous n'avons pas qu'à la divise. Vous le voyez. À partir de là, Thank you.